89.1. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet au choix musical et aux interventions et aux commentaires. Ce soir, on va débuter avec deux groupes de Québec, des groupes de la relève, des jeunes qui font du bon rock progressif surprenant et qui seront en spectacle la semaine prochaine au bar d'Agobert sur la Grande Allée. Et c'est la partie rock en bas, évidemment. Et ils vont pas animer la piste de danse. On est convaincus. Ça débute à 22h30 et il y aura d'abord le groupe Piezo qui vont nous présenter leur premier disque. C'est une nouveauté. On en a écouté il y a 2 semaines. Scene One Harlequin, c'est leur premier disque. Donc, qui vont interpréter de façon intégrale. On aura cette première pièce, Chaos and the Mask Fades Away. Et ensuite, ce sera suivi par Inner Odyssey, qui présente aussi leur premier disque, Have a Seat. Ils ont signé une entente de distribution avec Unicorn Digital de Montréal pour la distribution de cet album-là. Alors, ça va leur permettre de se faire un rayonnement international. Et on aura la pièce Dehumanize Me de ce groupe-là. Donc, c'est deux groupes qu'on peut voir. Et c'est une présentation de Terra Incognita, ce spectacle-là, la semaine prochaine, donc le 2 mars, avec Piezo et Inner Odyssey. Donc, on débute avec ça, puis on vous revient après. Just got up from my head. Just got up from my head. What a magnificent play. What a magnificent play. A cold memory fade. Such a difference. Glimpse of last memory. And the mask just faded away. Mm-hmm. dehumanize me, unsanitize me, dehumanize me, until I have lost all of my sanity. C'était Inner Odyssey de Québec, tiré de Have a Seat, leur premier disque, et c'est la pièce Dehumanize Me. Et c'est un groupe qu'on pourra voir donc en spectacle la semaine prochaine, samedi prochain, le 2 mars, donc au Dagobert. Et en première partie, le groupe Piezo, dont on a entendu une pièce également de leur premier disque, Chaos and the Mask Fades Away. Alors, parlant concert, y a pas mal de nouvelles. Il y a Steve Hackett qui va venir faire un tour le 4 octobre pour présenter Genesis Revisited 2 en tournée. Et les billets, c'est au Grand Théâtre de Québec. Les billets sont en vente bientôt. C'est très bientôt. Surveillez ça de près. Et également, on en a parlé récemment, Neil Morse, qui sera ici le 17 mai au cabaret du Capitole. Il y aura aussi en avril donc Carl Palmer le 27 au cabaret du Capitole aussi, et le 26 c'est Eddie Jobson. Donc ça fait pas mal de spectacles qui s'en viennent. Eddie Jobson qui présente ses 40 ans de carrière avec un nouveau spectacle monté pour l'occasion. Donc le 26, le 27, Carl Palmer fait une rétrospective évidemment de ELP, Emerson, Lake & Palmer, la musique de son groupe légendaire. Il y a aussi Steven Wilson qui est à Montréal le 25 avril pour présenter son plus récent album The Raven That Refused to Sing. Il y a pas mal de choses qui s'en viennent. Évidemment, la convention Terra Incognita, comme Michel le mentionnait, il reste plus de billets pour les deux jours, mais il y aura un spectacle supplémentaire avec RPVL qui a été confirmé pour le lendemain, donc le 20 mai. Et ce sera au Centre d'art de la Chapelle aussi. Et il y aura un autre concert, comme Michel en parlait, là, il y a une surprise qui s'en vient, alors il faut surveiller ça. Un concert unique. Alors, pour ceux qui n'auront pas l'occasion d'avoir acheté des billets déjà pour la convention, une autre occasion de voir ce groupe dont on entendra une pièce un peu plus tard dans l'émission. Alors, donc, on a pas mal de nouveautés qui s'en viennent dans l'émission. On a le groupe Argos, Cruel Symmetry, et leur plus récent album. On écoutera un extrait de ça au retour de la pause. Un deuxième extrait. On a aussi Shadow Circus, de leur plus récent In Dark and Stormy Night. On aura aussi également Neodym, le nouveau Neodym, le groupe de Montréal, leur troisième. Il y a pas mal La Mascara, Pichera qui jouera, et pas mal d'autres trucs intéressants, dont le groupe Mahogany Frog de Winnipeg qui s'en vient. Donc, on s'en va sur une petite pause publicitaire, et au retour, Argos Cruel Symmetry. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi! Restaurant L'Athéna, situé au 2980 1ère Avenue à Limoilou, vous offre un service de livraison jusqu'à 5h30 du matin pour combler votre appétit de fin de soirée. Goûtez à une de nos pizzas parmi un vaste choix, à nos club sandwich comme le club Athéna au poulet et gyros, ou bien notre poulet frit tout à fait craquant. Restaurant L'Athéna, 418-525-5509, livraison gratuite jusqu'à 5h30 du matin, payable avec Interac. Restaurant L'Athéna, pour combler votre appétit de fin de soirée. 2980 1ère Avenue à Limoilou.

eye of the storm. Give all we have to give every day to something is gained. We can make the things that we wanna do, touching the strings, making the music come alive till it shines through. Finding a place where we wanna stay in the eye of the storm. What's it and which they see through you? Le groupe américain Shadow Circus s'est tiré de leur plus récent album On a Dark and Stormy Night. C'était la pièce Who's It, What's It and Which. Et c'est un excellent disque que je vous recommande. Il y a une bonne ambiance là. Ça s'écoute super bien. Et c'est un album à recommander qui est paru là juste à la toute fin de l'année 2012. Donc ça fait pas longtemps qu'on a reçu ça. Et on avait précédé donc ça de Argos. Argos, leur troisième et plus récent album, Cruel Symmetry, et c'était la pièce Chance Encounters. Donc, on poursuit en musique avec Quaternaire Requiem o Architetto, qui est un beau retour pour ce groupe vraiment de l'Argentine, et on ira avec une pièce, en fait, c'est... Il y a un concept sur l'architecte, donc on parle de plusieurs architectes dans ça, et la partie qu'on va écouter, c'est une partie sur un architecte moderne, donc qui est encore vivant, puisque tous les autres sont décédés, ceux dont on parle, Bramante, Mansart, Frank Lloyd Wright et Gaudi, et celui-là c'est Niemeyer. Je ne le prononce pas très bien. Et donc, cet architecte moderne, il y a une pièce consacrée à lui, donc sur cet album O Architetto. Et ça sera suivi de Neodym de Montréal, leur troisième disque, Le Guetteur. C'est un rock instrumental qui est intéressant, qui va dans plein de styles. On écoutera la pièce L'Évasion. On y va tout de suite, donc en musique, c'est Bruno et Marc avec vous jusqu'à minuit pour l'émission Terra Incognita. Thank you.

avec sa wandering in the chaos, the battle has left. We climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees, full of life. A young figure sits still by a pool. He's been stabbed, human bacon, by some butchery tool. He is you. Social security took care of this land. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower? If you go down to Willow Farm to look for butterflies, flutterbys, butterflies, open your eyes, it's full surprise. Everyone lies like a fox on the rocks. And the musical box. Oh, there's mom and dad, good and bad. Everyone's happy to be here. There's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag. Plastic bag, what a drag. We get some in, we get some out, we get some wild things running around. Everyone, we're changing everyone. You name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt. Run tonight, tonight, tonight. Baby lovers, you're all for the ball. You're out for the ball. Baby, hear your lies. We'll end this up to the eyes. Or applause. You've been here all the time. Like it or not, like what you've got, you're under the soil. The soil, the soil. It's deep in the soil. The soil, the soil, the soil, the soil. So, when I'm with the whistle, I'm with the band. And all of us fit in our places. Thank you. Texas children underground. Dragons coming out of the sea, shimmering silver head of wisdom looking at me. He brings down the fire from the skies. You can tell he's doing well by the look in human eyes. Better not compromise, you won't be